Wang Po. Entretien numéro 5 du recueil de Wan Ling. Maître, est-ce que le Bouddha sauve les êtres vivants ? En réalité, il n'y a pas d'être vivant que le Bouddha puisse sauver. Il ne peut trouver de moi. Comment trouverait-il un non-moi ? On ne peut rien trouver de tel que le Bouddha et les êtres vivants. Mais le Bouddha apparaît avec 32 marques majeures, maître, et sauve les êtres vivants. Pourquoi dites-vous le contraire ? Tout ce qui a des marques est creux et faux. Quand on voit que toutes les marques ne sont pas des marques, on voit le Tathagata. Le Bouddha et les êtres vivants ne sont rien d'autre que le produit de vos opinions erronées. C'est simplement parce que vous ne reconnaissez pas votre esprit fondamental que vous le profanez en théorisant à son sujet. À peine émettez-vous l'opinion qu'il y a un Bouddha, que le Bouddha vous fait obstacle. À peine émettez-vous l'opinion qu'il y a des êtres vivants, que les êtres vivants vous font obstacle. Vous avez toutes sortes d'opinions, sur l'ordinaire et l'extraordinaire, le pur et l'impur, qui sont autant d'obstacles. Tous ces obstacles se combinent à votre esprit pour former un engrenage de cercle vicieux où vous êtes bientôt comme un singe qui jette un fruit pour en cueillir un autre sans que cela prenne jamais fin. Bien qu'il s'agisse toujours d'étudier, il ne faut absolument rien étudier. Il n'y a pas d'ordinaire ni d'extraordinaire, pas de pur ni d'impur, pas de grand ni de petit. Pas d'écoulement ni d'élaboration. Dans un tel état d'esprit 1, les expédients s'appliquent à l'ornementation. Vous, qui étudiez les trois véhicules et la dodécuple doctrine, renoncez en bloc à toutes vos explications théoriques. Ainsi, quand tout a été chassé, on se garde un lit où l'on se couche comme un malade. Il faut commencer par ne plus avoir d'opinion, ni de but à atteindre, ni de blocage d'ordre méthodique, pour se dégager du champ de perception que représente le triple monde, avec ses êtres ordinaires et ses saints, et porter enfin le nom de Bouddha ultramondain. C'est pourquoi il est dit « Je rends hommage à celui qui, comme l'espace, ne s'appuie sur rien » et transcende les voies extérieures. Sans différence dans l'esprit, pas de différence dans la réalité. Sans élaboration dans l'esprit, pas d'élaboration dans la réalité, car toutes les facettes de la réalité sont des métamorphoses commandées par l'esprit. Donc, mon esprit étant vide, tout est vide, et vides sont toutes les catégories. L'espace vide qui s'étend dans toutes les directions partage la substance de l'esprit 1. Il n'est guère plus de différence dans la réalité que dans le fond de l'esprit, et c'est uniquement sur les divergences de vos théories que la discrimination se fonde. Lorsque, par exemple, les dieux mangent dans leur précieuse vaisselle, l'aspect formel de ce qu'ils mangent dépend de leurs mérites individuels. Quant au Bouddha de tous les espaces, c'est le fait qu'il n'y ait trouvé la moindre réalité qu'on appelle éveil suprême. Dans l'esprit 1, il n'y a vraiment aucune différenciation, aucune lumière chatoyante non plus, pas de victoire ni de soumission. Sans victoire, pas de Bouddha, et sans soumission, pas d'être vivant. Mes maîtres, si l'esprit n'a pas de caractère propre, comment se pourrait-il qu'à travers les 32 marques majeures, il ne convertisse et sauve en aucun cas les êtres vivants ? Les 32 marques majeures relèvent des caractères particuliers, et tout ce qui a des marques est creux et faux. Quant aux 80 marques mineures, elle relève de la forme. Mais qui me voit dans la forme emprunte la mauvaise voie et ne peut voir le Tathagata ?